Wesh wesh la zone, toujours rabat quand je conduis. Wesh wesh la zone, dis-moi qu'il y a du bon produit. Wesh wesh la zone, y'a trop de Condé aujourd'hui. Wesh wesh la zone, il est sorti pour bonne conduite. On voulait tout jouer attaquant, sans bras fais toi la marquant. On vit tous des épreuves marquantes, on a tous des personnes manquantes. Et toi qu'est-ce que tu nous racontes? À ton frère là je fais les comptes. Marseille c'est devenu Tijuana, frère y'a trop de règlements de compte. 8h du mat tu rabattes, je trouve même plus les clés de la part. Je l'ai chargé, elle était à patte. Tu sors d'où poteau, toi tu dates. Le son il sort bien dans les bars. Envoie le joint que je l'éclate. En moins de les pneus ils éclatent. J'ai pris le terre-plein à 60. Wesh wesh la zone, toujours rabattre quand je conduis. Wesh wesh la zone, dis-moi qu'il y a du bon produit. Wesh wesh la zone, y'a trop de Condé aujourd'hui. Wesh wesh la zone, il est sorti pour bonne conduite. Eh vas-y vole petit pélican, fais-en un enlève le collant. En vol pète j'enlève le boucan, les genoux sous le volant. Comme mon shit elle est trop collante, ça vise les sons mirobolants. Ça snique le foie le soir sous Polia, ça fait des carpés à Emporia. Et fais-en un couleur Borussia, à Raya les civils dans la Dacia. On a tout niqué en Russie, ici tu gagnes ou tu réussis. On aime les blondes, les brunes, les rousseux, lève le Miller pour la rosa. Que ça charbonne, oublie les vacances, même s'il y a 15 000 on les dépense. Wesh wesh la zone, toujours rabatte quand je conduis. Wesh wesh la zone, dis-moi qu'il y a du bon produit. Wesh wesh la zone, y'a trop de Condé aujourd'hui. Wesh wesh la zone, il est sorti pour bonne conduite. Là je suis au bar, j'ai un coup de barre. Que ça reste.